Bonjour à vous tous. Bienvenue à Dimanche Musette. Une émission faite pour et par des amoureux du musette. Dans cette émission, une heure de piano à bretelles. Le dimanche, mais aussi le mardi. Le dimanche de 9h à 11h, le mardi de 10h à 12h. Vous aimez le musette? Ne changez rien, vous êtes au bon endroit. Sur GFM, votre radio locale, sur les 91 et 102.5, la plus proche de chez vous. Allez, allez, laissez-vous aller dans vos rêves avec le bal de mes rêves, l'indicatif de cette émission. Ensemble, profitons de ces moments, de ces souvenirs. Pour nous joindre, un numéro de téléphone, le 04 50 56 01 48, du lundi 9h30 au vendredi 10h. Si absent, laissez un message. Qu'allez-vous bien? Ensemble, on est bien. Voilà, c'était l'indicatif de cette émission Au bal de mes rêves. Et le bal de mes rêves va laisser la place à une valse. Valsons sur la Seine. Valsons sur la Seine à Paris, bien évidemment. Thank you. Allez, on va pas se fatiguer tout de suite. On va continuer avec deux jolis petits slows que je vous laisse découvrir. Thank you. On le sait que les manouches, quand ils font la fête, eh bien, cette fête, elle se traduit toujours par de la belle musique. Je vous en propose un extrait. Allez, c'est un petit Charleston qui sera suivi d'une valse et puis ensuite d'une java. Je vous laisse pendant oh, près de 10 minutes et je vous retrouve tout de suite après.

Un petit galop pour aller pour continuer dans cette frénésie et continuer dans ce dimanche musette. La valse de l'amour, oui, la valse de l'amour, qui continuera avec une danse que je vous laisse apprécier. On retrouve un petit moment de douceur avec un slow, tout simplement. Ah, une valse lente, on se croirait non pas à Vienne, puisque nous sommes ici, nous sommes chez nous, nous sommes à Bellegarde, tout simplement. Thank you. Ah, ce morceau-là, il est un peu rythmé, mais bon, ça se fait, ça se fait. Une petite valse, c'est du classique, hein. C'est du classique. Et puis l'autre, c'est l'autre, eh bien l'autre, je vous en parlerai tout de suite après. Voilà, je vous le disais, cette valse, c'est une valse traditionnelle façon manouche. Je vous laisse apprécier. On a déjà entendu tout à l'heure. Ça en vaut la peine. Thank you. Ah, on ne peut pas l'échapper. La foule, avec non pas Édith Piaf, mais tout simplement le piano à bretelles. Marche pour continuer cette belle promenade que nous faisons depuis un bon moment déjà. Le dénicheur, c'est un classique de chez classique. On termine avec une valse mais particulière. Elle est jouée à la clarinette et à l'accordéon, bien évidemment. Nous sommes dans Dimanche Musette, je vous le rappelle. Thank you. Allez, c'est fini pour cette première partie de l'émission. Et puis, il nous l'avait bien caché, mais c'est un secret de polichinelle. Hein. À la radio, on sait beaucoup de choses. Par exemple, il y a quelques heures, c'était les 50 années de mariage de Daniel et d'Annette. Plutôt d'Annette et de Daniel Groscarré. Ils habitent à Chézry, plus précisément à La Rivière. Et la chanson qui va suivre, c'est de la part de leurs enfants et petits-enfants. Mais permettez-moi d'y rajouter mes sincères félicitations et que le bonheur continue encore et encore et encore. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que nous sommes mariés. M'a donné de beaux enfants, tu sais. Depuis ce petit bal où l'on s'est rencontrés, je n'ai pas cessé de t'aimer. Mais ce soir j'ai envie de déposer mon tablier, de me faire belle pour toi comme par le passé. Ton fauteuil, ton journal, tes cigarettes. Laisse-les de côté. Emmène-moi danser ce soir. Joue contre joue et serré dans le noir. Mais fais-moi la cour comme aux premiers instants. Comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans. Emmène-moi danser ce soir. Pleure-t-on ensemble. Il n'y a plus que tes amis et le football qui compte pour toi. Et j'ai l'impression que tu ne vois plus en moi que la mère de tes enfants. Oh, je ne te demande pas de m'offrir des fleurs tous les jours, mais de faire de temps en temps un geste d'amour. Et ce soir, je voudrais encore une fois te retrouver, rentrer au petit jour et puis t'embrasser. Ton fauteuil, ton journal, de cigarette et la télé. Ce soir, laisse-les de côté. Emmène-moi danser ce soir. Joue contre joue et serré dans le noir. Et fais-moi la cour comme aux premiers instants. Comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans. Elle est tombée il y a quelques jours. Oui, elle est tombée il y a quelques jours. La neige. Eh oui, bien sûr. Et c'est Adamo qui nous en parle. Tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige. Et mon cœur s'habille de moi. Ce soyeux cortège. L'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir. temps de la neige. Tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence. Pas ce soir. Ne crie mon désespoir. Mais tombe la neige. Impassible ma neige. Mais tombe la neige. Impassible ma neige. Christophe, Christophe, que l'on regrette, que l'on regrette. Il va nous chanter « Mal ». Qui vole On retrouve toujours avec un certain plaisir Dalida. Mais là, elle va nous chanter une histoire d'amour. C'est l'histoire d'un amour, ma complainte c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Grand arbre qui se dresse, pleine force et tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, à l'éclair où l'on s'en lasse. C'est où l'on se dit adieu, avec les soirées d'ombre. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'air où l'on s'en lasse. C'est nous, l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. S'aime, joue la même, je le sais. Naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire de. Allez, juste pour le plaisir, on va rester avec Dalida, le temps des fleurs. Tout comme autant des fleurs. de la taverne où tu ne viendras plus. Et la chanson que la nuit m'apporte, mon cœur déjà ne la connaît plus. C'était le temps des fleurs, on ignorait la paix. Le lendemain avait un goût de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait. Enrico Macias nous fait découvrir Solenzara, et oui, nous sommes en Corse. La plage de Solenzara, nous nous sommes rencontrés. Un pêcheur et sa guitare chantaient dans la nuit d'été cette douce mélopée. Sur la plage de Solenzara, chaque soir on a dansé. Le jour de ton départ, j'ai compris que je t'aimais et je ne t'ai plus quitté. À Solenzara, occhi dolci felicità. A Solenzara, più venuti costa. Quand j'entends la mélodie qui m'a donné tant de joie, je sais que cette nuit-là notre amour a pris sa vie au cœur de Solenzara. France Gall, la regrettée France Gall avec Samba Samba. Immense, immense. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. On l'avait un peu oublié, François Feldman, mais il est bien toujours là et il nous chante « Magique boulevard ». Celle-ci fait partie d'un classique de notre jeunesse. Je dis bien de notre jeunesse, parce que c'est Françoise Hardy qui va nous l'interpréter. Tous les garçons et les filles. Ils s'en vont amoureux sans seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et sans elle. Ah oui, sans elle, je ne sais pas, mais chanté par Gilbert Montagnier, c'est autre chose. Je la connais depuis longtemps. Et moi, je l'aime, mais elle est encore une enfant. C'est mon problème. Pourtant, elle m'a dit un jour que j'étais son premier amour. Oui, mais elle n'a que 17 ans. Elle est plus douce qu'un printemps. Sans elle, mon corps s'ennuie. Près d'elle, tout me sourit. Sans elle, mes jours sont gris. C'est elle qui est ma vie. Sans elle, j'ai le cœur lourd. Je l'aime, et pour toujours, près d'elle. Je suis si bien, sans elle, je ne suis rien. Je voudrais parfois lui parler. Que lui dire que je veux vivre à ses côtés, la voir sourire, lui chanter des chansons d'amour, dire que je l'aimerai toujours. Ces mots que j'ai pensés cent fois, mais que je garde au fond de moi. Sans elle, mon cœur s'ennuie, près d'elle, tout me sourit. Sans elle, mes jours sont gris, c'est elle qui est ma vie. Sans elle, j'ai le cœur lourd, je l'aime, et pour toujours, près d'elle, je suis si bien. Sans elle, je ne suis rien. Sans elle, mon cœur s'ennuie, près d'elle, tout me sourit. Sans elle. Jen Manson, dans une chanson où elle se plaint un petit peu, car elle chante « Toi, jamais ». Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, toi, jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent et ils m'adorent, et pourtant je les ignore, tu le sais. Ils me jurent fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi jamais. Et quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune, qu'ils laissent où elle est la lune. Sans regret. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon âme, je te pardonne, mais toi jamais. Tu as tous les défauts. Jacques Goldman, on le connaît. Oui, on le connaît. Comme toi. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours. À côté de sa mère et la famille autour. Un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dors en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas, elle apprenait les livres, elle apprenait les lois, elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna, et surtout Jérémy. Et ils se marieraient un jour, peut-être à Varsovie. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dors en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs. D'autres gens avaient décidé autrement. Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge. C'était une petite fille sans histoire et très sage. Mais elle n'est pas née comme toi ici et maintenant. Ah, vous allez dire encore Joe Dassin. Eh oui, eh oui. Mais Joe Dassin nous chante « Et si tu n'existais pas ?» Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en reviens pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirai perdu. J'aurai besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts. Là, c'est l'hidalgo espagnol, Julio Iglesias, avec Bésame Mucho et Nostalgie, pour continuer ce dimanche et aussi ce mardi, puisque cette émission vous sera aussi proposée mardi prochain. Esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después, bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que te tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Nostalgia, nostalgia, nostalgia. Mona Mona, Michel Chevalier. Mona Mona Mona Mona Mona, oh réponds-moi, tu étais déjà mon âme Mona. Seras-tu un jour? Je ne pourrai jamais t'oublier. Eh oui, je ne pourrai jamais t'oublier. Avec Nicoletta, c'est autre chose. Tiens, bonjour, comment vas-tu, dis-moi? Dis, te souviens-tu encore de moi? Moi, il m'arrive souvent de penser à toi. Mais à part ça, comment ça va? Toi, vraiment, tu n'as pas trop changé. Moi, tu sais, j'ai beaucoup voyagé. Oui, en effet, j'ai découvert d'autres pays. Et toi, qu'as-tu fait de ta vie? Je parle trop, tu es pressé, je ne voudrais pas te déranger. Si j'en dis trop, c'est pour t'aider à retrouver le temps passé. Est-il vrai qu'elle me ressemble un peu? aussi les yeux bleus. Es-tu certain d'être plus heureux maintenant? Moi je t'aime toujours autant. C'est la vie, on n'y peut rien changer. Nous sommes aujourd'hui deux étrangers. Je vois très bien dans tes yeux qu'il ne reste rien de notre amour, que tu es loin. Je parle trop, tu es pressé, je sais, je ne veux plus te retarder. Encore un mot, et je m'en vais, tu sais, je ne pourrai jamais t'oublier. Encore un mot, et je m'en vais, tu sais, je ne pourrai jamais t'oublier. Voilà, c'est la fin. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur les 91 MHz de Sorgia FM et sur le 102.5 également. On vous retrouve mardi prochain pour la rediffusion de cette émission. Je vous aime, je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.